amoureuse à Léon, elle s'appelle Madelon. Elle connaît des combines, Madelon, elle est fine. Mais elle n'a qu'un défaut, son Léon, elle aime trop cet homme-là qui est sourd aux choses de l'amour. C'est aujourd'hui dimanche, Léon le déserteur, Léon le voyageur, l'assassin de vieilles dames, le sans cœur, le sans âme. Tant d'amour ça l'effraie, pourquoi qu'on l'aimerait? Lui Léon l'homme perdu, le pote à Bardamus. C'est aujourd'hui dimanche, allons au Batignol mouiller nos pauvres grolles dans la boue de janvier de la fête du quartier. Les autos tamponneuses stamponnaient l'amoureuse. Allez, on ne voit plus rien que lui qui s'en fout bien. C'est aujourd'hui dimanche. Tire au pigeon, elle est douée, Madelon. Au casse-pipe, c'est un as, la meilleure de la place. Mais d'être laissé comme ça, ça ne lui convient pas. Elle crie, elle gêne, elle pleure. Léon, il n'a pas de cœur. C'est aujourd'hui dimanche. Pour Léon Robinson, cette triste chanson, car elle en était dingue, elle tua à coups de flingue. C'est aujourd'hui dimanche, et c'est entre quatre planches que finit le grand amour, celui-là qui dure toujours. C'est aujourd'hui dimanche. C'est aujourd'hui dimanche. C'est aujourd'hui dimanche. C'est aujourd'hui dimanche.